mesdames, si une de vos amies vous pose la question « Est-ce que tu veux que je te parle franchement ?» répondez toujours « Non, non, non ». Continuez à me parler comme auparavant. Pourquoi ? Parce que l'autre jour, j'étais avec ma sœur et quelqu'un lui a posé la question « Pourquoi que votre deux chevaux n'est plus rouge ?» Parce que ma sœur, elle avait une deux chevaux rouge et elle l'a fait repeindre en gris. Vous allez voir pourquoi. Oh, elle a pas de chance, ma frangine. Parce que ma sœur est très prudente, hein. C'est elle qui conduit la deux chevaux toujours. Et toujours, elle roule au milieu de la route, elle. Avec sa deux chevaux. Toujours au milieu, et elle dépasse jamais le 35. Au milieu, crac. On peut pas la doubler, ma sœur. Si, mais alors à droite, vous voyez. On peut pas la doubler normalement. Elle risque rien, hein. Parce que, comme elle dit, jamais on a vu un agent de police coller une contravention à une deux chevaux parce qu'elle roulait au milieu de la route à 35 à l'heure. Jamais. Jamais. Elle risque... Les deux chevaux, ils peuvent rouler au milieu à 35, et risquent rien. Et comme elle dit, quand elle roule, hein, si tout le monde était comme moi, il n'y aurait jamais d'accident. Elle le dit en roulant, hein, oui. Elle en est à son 16e mort. Elle les marque avec une craie. Tiens, hop, un plus, deux plus. Parce qu'elle roule toujours au milieu de la route. Alors des fois, il y a des gens qui sont pressés. Il y a des fous. Des fous. Ils veulent doubler absolument. Des fois, il y a des docteurs en cas d'urgence. Alors il faut bien qu'ils passent. Parce que ma soeur, on a beau klaxonner. Au milieu, jamais. Elle est là, elle est là. Alors, des fois, ils doublent à droite. En cas de télévarie, elle est là. Seizième. Et elle dit, si ça continue comme ça, cet été, je vais en faire 10 de plus, si ça marche. Ma sœur est très prudente. Ah oui. Si tout le monde était comme elle, il n'y aurait jamais d'accident. Là, un jour, elle n'a pas de peau. Elle n'a vraiment pas de chance. Voilà pas qu'il y a un convoi de cirque. Faut bien que ça tombe sur ma frangine. Dans le... C'est pas tous les jours qu'on double un convoi de cirque. Était... Alors, comme il roulait à 25, à un moment donné, il y a ma sœur, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je tente le coup, quoi. Allez, attends, allez, je tente le coup. Hein. Elle a doublé le tir. Et puis, paf, elle est bloquée par une grande caravane qui était arrêtée au milieu de la route. Ils avaient descendu des éléphants. Pour paître. Parce que les éléphants, ils pèsent, n'est-ce pas? Les éléphants pèsent. Ce sont des herbivores, n'est-ce pas? Alors, tous les 40 km, vous demanderez ça à n'importe quel directeur de cirque. Il faut descendre les éléphants, n'est-ce pas, pour qu'ils s'ébrouent, pour qu'ils s'abreuvent, enfin, qu'ils prennent leurs aisances, n'est-ce pas? Alors, ma sœur, elle était là, elle attendait, elle demandait à un jeune demi pour longtemps, non, on va les remonter, vous en faites pas, ça va être tout de suite fait. Là, pas qu'il y a un éléphant qui arrive vers ma sœur. Il tourne le dos à ma sœur, juste devant la deux chevaux, et crac! Il s'assoit sur la deux chevaux. Et à ma sœur, elle a fait ouh! Ça a été ses dernières paroles, elle s'est évanouie. Elle croyait que c'était la nuit qui était arrivée, donc gros. Le cornac s'est précipité, il a donné quelques coups de pique à l'éléphant. Qui c'est? Ah, qui s'est pas levé? Non, un éléphant énervé, il fait ça, quoi, il fait... Il est reparti. Il avait enfoncé tout le devant, la deux chevaux, ma sœur. Une deux chevaux qu'on avait achetée. C'est vrai? On avait économisé le prince, ça m'a fait un coup quand je l'ai vu après. Le directeur est arrivé, mademoiselle, nous nous excusons, ils l'ont réveillé en sursaut, ma sœur. Quelques tartes sur la figure. Ben, au cirque, sont des gens très sympathiques, mais assez, comment dirais-je, nerveux, vous savez. Paf, des coups de targette dans les gens. Elle s'est réveillée, sa deux chevaux qui étaient tout enfoncés devant. Écoutez, mademoiselle, excusez-nous, rassurez-vous, les grands cirques comme nous, nous sommes assurés, on va vous rembourser tous les frais, mais je vois que vous êtes tellement blanche, venez dans le petit café à côté, je vais vous payer un cognac. Paf, elle se remettait pas, un deuxième cognac, il y aurait la... Un troisième cognac, hop. Elle a elle a mis son chapeau à l'envers avec des cerises. Elle monte dans la deux chevaux. Mais je lui dis, mais comment ça se fait qu'il est venu s'asseoir sur ma deux chevaux? Et je vous expliquais parce que tous les soirs, au cours de son numéro, au cirque, il s'assoit sur un tonneau qui est rouge. Alors il arrive, crac, lui dans son idée, il a cru que c'était le moment de son numéro. Crac, il s'est assis sur votre deux chevaux en croyant que c'était son tonneau. C'est pour ça. Alors elle est repartie décontractée parce qu'elle croyait que c'était elle qui l'avait attiré. Ma sœur a doublé tout le convoi et elle est repartie. Et au bout de 10 minutes, ma sœur, dans sa deux chevaux, il dit pourvu que ma direction n'ait pas pris un coup. C'est vrai, il y a une ligne droite, je vais en profiter. Ça va. Allons sur le petit talus à gauche, il n'y a rien en face, non. Non, pas. Le petit talus à droite, tant, c'est pas. Les motards qui arrivent, mettez-vous à droite, vous là. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend de faire des zigzags? Mais où, me dites donc, vous avez été accidenté, vous là? Mais c'est un éléphant qui s'est assis sur ma deux chevaux. Comment? C'est un éléphant qui s'est assis sur ma deux chevaux. Mais vous puez le cognac, vous? Oui, parce que c'est un éléphant. Ah, c'est un éléphant. Marcel, viens voir là. C'est un éléphant qui s'est assis sur la deux chevaux, madame, n'est-ce pas? Mais vous puez le cognac, vous faites des zigzags sur la ligne droite. Ils ont embarqué ma frangine. Ils lui ont fait une prise de sang. Elle avait du cognac, elle qui en boit jamais. 48 heures, ils l'ont gardé. Il a fallu que le directeur du cirque vienne témoigner comme quoi c'était exact. Il voulait l'enfermer à Sainte-Anne. Elle est arrivée à Paris, elle a fait peindre sa voiture en gris clair. Et surtout, si vous la revoyez, surtout, ne lui dites pas, dites donc, pourquoi vous avez fait peindre votre voiture en gris clair? Elle serait trop fâchée.